Il y en a du monde qui vient de me voir et des fois en conférence, là, qui me disent, ah, ben, moi, je suis prête à travailler avec toi, je suis prête. Si ils sont chanceux, ces gens-là, je suis fin. Je leur crisserai un choc. Il y aura tellement peur, ils chieront le culotte, puis ils viendront jamais me revoir. Un jour, on va peut-être le faire. Merci beaucoup, Bernard de Montréal.